Yeah, yeah. J'ai des banks par sur la route. Te mets pas dedans, fumeras ton grand frère. Tu verras par toi-même, ta street c'est du réel. J'ai la chair de boule, j'suis comme un fou. J'vois les choses en grand, les pensées du style Gustave Eiffel. Nous c'est les fous de la jungle, c'est défié. De tous ces rapaces bizarres, j'me suis méfié. Fais ma confiance, t'attache, tu peux me la confier. On gonflera le bénéfice, ça va bien monter. Ils sont pas comme nous, j'les laisse entre eux. J'crois pas en lâchant, je ne fais pas de vœux. T'inquiète pas, j'vais leur en mettre plein les yeux. Écartons les traites et tout ira mieux. Poto, j'ai cassé des deux portes, j'ai bigrave, j'ai fait des coups de crasse pour m'en sortir sans dormir. Ça c'est fini en coup de slash, fonce des soufflages. Des fois quand ça partait, là fallait faire le pire. Mais j'dis pas que ça fait zézir. Non, j'vais pas vous mentir. Si j'te donne ma confiance, j'y pense même pas, faut même pas te trahir. J'dis pas que ça fait zézir. Je ne souhaite que m'en sortir. T'es pas dans le monde des bisounours. Tout le monde est quelqu'un, ça faut que tu leur dises. T'as le pilote qui bombarde, t'as le copilote qui canarde. Pour toi, on est venu à deux. Qu'à lâcher pour mettre des strikes. Le but c'est tous les mettre à terre, pas un debout. Je réfléchis pas quand faut y aller, je vais jusqu'au bout. Strike. Strike. Principe, je suis pas comme eux, je respecte grand et petit. Si je parle avec toi, c'est pas pour rien, c'est rempli de mecs chelous, je t'avertis. Ma haine prend le dessus, moi je peux rien y faire. Mettre une croix sur des gens, moi j'ai su le faire. J'ai la tête très dure comme une barre de fer. Et je ne fais pas confiance, même au plus sincère. Bowling, c'est une histoire de strike. Je veux les voir à terre. Je mets pas de ligne dans le sprite. C'est pas mon délire, frère. Je préfère qu'on me parle de white. Ça me rend déjà plus déter de charbonner même la night. Jungle, on sera toujours devant eux. T'inquiète pas, y'aura pas de problème. Tu préfères les laisser entre eux. De moi t'inquiète pas, ils s'en souviennent. De moi t'inquiète pas, ils s'en souviennent. Tu préfères les laisser entre eux. T'as le pilote qui bombarde, t'as le copilote qui canarde. Pour toi on est venu à deux. Qu'à lâcher pour mettre des strikes. Le but c'est tous les mettre à terre, pas un debout. Je réfléchis pas quand faut y aller. J'vais